commence. Classe, celui qui n'est pas d'accord, qu'il quitte la salle. D'accord? On va faire un seul cours. Ok? Donc, je vais commencer à faire le cours des fractures de l'extrémité distale de l'humérus ou de l'extrémité inférieure. Il s'agit d'une urgence extrême en matière de traumatologie. Donc, notre cours va discuter, si vous voulez, l'adulte essentiellement, parce que moi je m'occupe de l'adulte, et on va faire un petit aperçu en ce qui concerne les fractures de l'extrémité distale de l'humérus chez l'enfant. Donc, comme je l'ai dit, c'est une urgence. On va commencer par un plan. On va définir qu'est-ce que c'est cette fracture. La définition, moi, j'insiste pas énormément. Pourquoi ? Parce que vous allez sur d'autres livres ou sur Internet, vous allez trouver beaucoup de définitions. Seulement, il y a une grande différence entre les fractures chez l'enfant et chez l'adulte. Dans ce sujet, chez l'enfant, dans 99%, il s'agit d'une fracture extra-articulaire. C'est-à-dire, c'est une fracture qui ne touche pas l'articulation. Mais, dans certains cas exceptionnels, elle peut toucher. Chez l'adulte, on assiste beaucoup plus à des fractures articulaires, essentiellement articulaires. Donc, sur le plan intérêt de la question, sur le plan épidémiologique, on va parler un peu d'épidémiologie chez l'adulte, chez l'enfant également. Sur le plan fonctionnel, on va faire un rappel anatomique de cette région qui est difficile sur le plan chirurgical. La classification, on va utiliser la classification de la SOFCOT, c'est-à-dire de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologie. Le diagnostic ne pose pas généralement de problème. Donc on peut assister à un patient polytraumatisé, polyfracturé, ou bien un sujet qui a fait une chute banale. Il s'agit le plus souvent d'une femme après la ménopause, donc qui se fracture à ce niveau. L'évolution, il y a deux types d'évolution. L'évolution favorable, dans 45 jours, la fracture peut consolider. On va voir les formes cliniques. J'ai choisi essentiellement les fractures ouvertes parce qu'elles sont fréquentes, également les fractures chez l'enfant. Concernant le traitement, il y a deux principes. C'est que chez l'adulte, il faut un traitement chirurgical. Par contre, chez l'enfant, c'est le traitement orthopédique. Donc, sur le plan définition, vous voyez cette image. C'est une vue postérieure de la palette humérale, de la fracture de la région distale de l'humérus. Vous voyez la trochlée humérale. C'est la région articulaire. On a une joue latérale ou externe, une joue médiale. Allez-y. Vous avez l'épicondyle médial ou l'épitrochlée, comme vous voulez. Et vous avez ici l'autre partie extra-articulaire qu'on appelle épicondyle latéral. Vous voyez sur cette image, pourquoi j'ai parlé de l'anatomie, il faut connaître l'anatomie. Vous voyez ce filet blanc qui est le nerf ulnaire, le nerf cubital. Donc vous pouvez, c'est une articulation superficielle, vous pouvez palper votre nerf cubital qui est là. Ce qui veut dire que c'est une région très riche en éléments nobles. Vous avez en postérieur le nerf ulnaire, vous avez le nerf radial qui n'est pas loin, qui croise à 10 cm à partir de l'interline articulaire, donc qui passe en avant. Au cours de ces traumatismes, on peut avoir, s'il y a un déplacement ou une fracture ouverte, on peut avoir une lésion, soit neurologique, soit vasculaire. Ok ? Donc, si on peut définir, pourquoi la définition elle n'est pas elle n'est pas, si vous voulez, juste parce que sur le plan, vous faites actuellement des stages dans notre service, on peut vous montrer des radios. C'est-à-dire, quelle est la définition? La définition n'est pas toujours exacte. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a deux types de traits de fracture. On a un trait supracondylien, c'est-à-dire au-dessus de l'articulation qui ne touche pas cette région articulaire, et on peut avoir donc une extension du trait supracondylien à ce niveau qui se déplace, ou là qu'il y a un refond, ce qu'on appelle un refond articulaire, ce qui complique cette fracture. Ce qu'il faut retenir par contre, ce sont des fractures le plus souvent articulaires chez l'adulte, puisque essentiellement notre cours concerne le sujet adulte. Cette notion de fracture articulaire en matière de traumatologie d'une façon générale doit nécessiter une réduction exacte. Quelle est la définition de la réduction ? Rétablissement de la continuité. Très bien. Donc réduction, c'est lorsqu'il y a un déplacement, on dit on va réduire, avant de stabiliser cette fracture par un plâtre ou par une ostéosynthèse, on doit la réduire. Donc la réduction exacte, dans n'importe quelle fracture articulaire, il faut une réduction exacte. Comme vous voyez sur ce schéma, il s'agit d'une fracture articulaire, il faut une réduction exacte. Après une réduction exacte, il faut maintenir cette réduction. Par quoi il faut la maintenir? Il faut la maintenir par une ostéosynthèse stable. Et puisqu'il s'agit d'une fracture articulaire, il faut une rééducation. Donc la définition, la différence entre réduction et rééducation, la rééducation, c'est ce que le malade doit entreprendre après un traitement chirurgical ou orthopédique. Non, traitement? Non, ce n'est pas le traitement fonctionnel. Lorsque vous opérez un malade en matière de traumatologie ou d'orthopédie. L'orthopédie, c'est-à-dire pour une déformation d'un pied, pour un hallux valgus, pour n'importe quelle pathologie qui n'est pas urgente. Donc, si vous faites une contention par plâtre ou par une plaque ou par n'importe quel moyen d'ostéosynthèse, le malade, après un certain temps, il va avoir au moins une amyotrophie. Donc, systématiquement, il faut envoyer votre patient à la rééducation. Donc, ce n'est pas un traitement fonctionnel. Traitement fonctionnel ou chihua. Quand là, on traite beaucoup plus, on fait une chirurgie, une pathologie fonctionnelle. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit un patient, il y a une fracture de l'extrémité proximale du fémur. C'est une pathologie spéciale de sujet âgé. Je vois le sujet âgé, il y en a qui a beaucoup de tares, qui n'est pas bien et tout. Il y a un risque anesthésique, on ne va pas l'opérer. On fait un traitement, ce qu'on appelle fonctionnel, c'est-à-dire on fait une absorption thérapeutique, mais on envoie ce patient à la rééducation qui conserve une musculature importante au niveau de la hanche, parce que la musculature au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse et également de la jambe, elle est obligatoire pour la marche. Sinon, après un certain temps, il y a la myotrophie et il va y avoir beaucoup de problèmes. Donc, même. Sujet âgé ou là sauf l'enfant. L'enfant, on n'envoie pas un enfant à la rééducation. Lorsqu'on a une fracture de l'extrémité distale numérique chez l'enfant, on fait un traitement, soit orthopédique, le plus souvent orthopédique, ou le semi-orthopédique, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, et on ne voit pas la rééducation. Donc, l'enfant récupère, si vous voulez, spontanément. Parce que l'enfant, c'est un corps qui est en croissance, qui est en mouvement, c'est pas comme un adulte. Un adulte, il a mal, il rêve. On dit qu'un enfant, vous l'opérez le lendemain, il en démchit. Ok, c'est pas la région. Donc, d'une façon générale, lorsque vous avez une fracture articulaire, Par exemple, j'ai une fracture articulaire. J'ai une fracture articulaire au niveau de l'extrémité distale de radius, qui est la plus fréquente en matière de traumatologie. Systématiquement, vous faites un plâtre, un embranchage, une plaque, vous faites n'importe quoi. Lorsque vous enlevez votre plâtre, vous envoyez le patient à la rééducation sur une fracture articulaire. Et la fracture articulaire nécessite une réduction anatomique. Si vous n'avez pas une réduction anatomique, ce sont des problèmes par la suite de raideur. On va voir qu'est-ce que c'est la raideur du coude. Donc, une réduction exacte, une oscillosynthèse stable. Il y a une oscillosynthèse stable. Quelqu'un qui n'a pas une bonne contention au niveau de la rééducation. Pour la rééducation, il va se casser, il va se fracturer une deuxième fois. Ok ? On va passer à l'intérêt de la question. Bon, sur le plan épidémiologique, ce sont des statistiques qui, si vous voulez, ce cours, c'est un cours qu'on fait sur plusieurs références. Généralement, on prend des références étrangères. Pourquoi ? Parce que chez nous, en Algérie, on n'a pas, si vous voulez, des statistiques. Mais moi, personnellement, j'ai fait un travail scientifique sur ce type de fracture. Ils disent que, sur les revues, sur l'EMC, que les deux sexes sont également touchés. C'est-à-dire qu'il y a la femme, qu'il y a l'homme. Sauf, sur le plan épidémiologique, on n'a pas les mêmes pathologies, de façon générale, cardio-pneumologique, et on n'a pas les mêmes fractures. Ce sont des fractures chez nous qui touchent le sexe masculin et c'est un traumatisme violent. Il y a une violence chez moi, accident de circulation, chute d'une hauteur élevée, ou là un traumatisme direct violent. Par contre, en Europe, aux États-Unis, ce sont des fractures qui touchent beaucoup plus les sujets âgés. Pourquoi ? Elles ont une population vieille, pas comme chez nous. Ok ? Qui dit population vieille, il y a des zones, si vous voulez, de faiblesse. Et lorsqu'on fait une chute banale, une femme âgée, d'une façon générale, qui fait une chute, donc, il fait, vous avez le mécanisme, on va voir, direct et indirect. On met notre main pour protéger. C'est l'inconscient, notre inconscient qui protège la région céphalique. Donc on se fracture dans les zones de faiblesse. Oul Haja, la première fracture, c'est le poignet, bien sûr. La fracture de l'extrémité distale du radius. Okay? On peut se fracturer au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Okay? Donc, chez nous, c'est beaucoup plus le sujet masculin et jeune et un traumatisme violent. Ok ? Sur le côté, il n'y a pas de prédominance dans les revues, il n'y a pas de prédominance d'un côté sur l'autre. Vous allez peut-être me poser des questions, vous dites, où chez vous l'intérêt ? Qu'est-ce que c'est l'intérêt ? Il y a un intérêt énorme. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours poser la question au patient. Est-ce qu'il est droitier ou gaucher ? Ok ? Si on est gaucher, c'est le côté gauche qui est touché. Donc, c'est une chirurgie, c'est une pathologie, si vous voulez, fonctionnelle. C'est la fonction qui est mise en jeu. Il y a quelqu'un qui se fracture à ce niveau. S'il est raide, c'est l'équivalent d'une amputation. S'il est raide, s'il est ankylosé. Ankylose, c'est quelqu'un qui ne bouge pas totalement son articulation. Il vaut mieux avoir une ankylose en flexion qu'en extension. Il y a des dos bloqués, il ne peut rien faire. Tandis que si on a cette articulation, si elle est touchée beaucoup plus dans le secteur de la flexion, donc il peut se raser, il peut se peigner, manger, etc. Ok ? Chez nous, ce que j'ai constaté personnellement, j'ai travaillé sur un nombre important de dossiers, pratiquement des années 90, de l'année 90 jusqu'à 2006-2007, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus une atteinte du côté gauche. Au Toho, puisque vous faites les stages, vous allez voir les statistiques au niveau du service. Le coude, que ce soit l'enfant ou l'adulte, toujours c'est le côté gauche. Et pourquoi ? Je me suis posé la question. Bon, au début, je n'ai pas fait une grande différence. Pourquoi ? C'est toujours notre inconscient, subconscient. C'est pour protéger. Côté fonctionnel. Non, c'est pour protéger le côté dominant. Donc, c'est pour ça qu'il est sur le côté gauche. C'est une explication, bon, à démontrer peut-être. Mais en tout cas, il n'existe pas sur les écrits, il n'existe pas de différence. C'est-à-dire côté gauche, il est atteint au même nombre que le côté droit. En ce qui concerne l'âge et les circonstances, si on compare l'adulte de l'enfant, l'adulte, c'est une fracture qui est rare, comparativement avec d'autres fractures, bien sûr. C'est toujours relatif. Chez l'enfant, c'est une fracture, c'est le pain quotidien des urgences orthopédiques. C'est-à-dire, sur le cou, vous allez trouver soit fracture de l'extrémité inférieure, la palette humérale ou l'extrémité distale numérique. C'est la même chose. Ok ? Service résout les dossiers palette humérale. D'accord ? Au moins, elle a 5 à 6 admissions par jour chez l'enfant. Chez l'adulte, comparativement avec d'autres traumatismes, elle n'est pas fréquente. Il existe deux pics. Mais c'est toujours, je reviens, ce sont des statistiques qui ne concernent pas. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre pour de l'argent comptant ce qui vient de l'étranger. Pour faire, Thomas, c'est l'avenir, vous allez faire des statistiques dans n'importe quelle spécialité. Hein. Vous allez découvrir certaines choses. Ok ? Donc, il existe deux pics de fréquence. L'adulte entre 30 et 40 ans, prédominance d'un traumatisme à haute énergie, pour les traumatiser, coup de portière et chute. Coup de portière, qu'est-ce que c'est ? Il faut poser des questions chez moi. Un coup de portière. Les hommes. Quelqu'un qui conduit. À une certaine époque, les gens conduisent avec la droite, ils mettent, d'accord ? C'est ça le coup de portière. Il est touché par une autre voiture, c'est très fréquent, ce sont des traumatismes graves. Pourquoi ? Parce que les femmes, non, les premiers sont gros cas. Pas comme. En tout cas, le deuxième pic, c'est entre 60 et 70 ans. Elle, personnellement, là, même actuellement, on a rarement de fractures chez les personnes âgées. En Algérie, les très haut, les personnes âgées, c'est la honte. Soit fracture de la région trochanterienne, fracture du col, du fémur. Ok ? La fréquence des fractures ouvertes, elle est tout simplement, s'il vous plaît, pas de commentaire. Celui qui a un commentaire, il me pose la question. Ok ? C'est moi qui dirige cette salle pendant la séance. Le bad, Allah Isaac. Ok ? Donc, les fractures ouvertes sont estimées entre 20 et 25%. Moi, j'ai trouvé que les fractures ouvertes, et c'est logique, puisqu'on a vu Jésus. Les hommes sont touchés, le sexe masculin, les jeunes, traumatisme violent. Articulation superficielle, automatiquement, beaucoup de fractures ouvertes. Et la fracture ouverte, elle est un boulot coronarien parce qu'on va vous emmerder, entre guillemets, pendant tout le module, les fractures ouvertes. Une fracture fermée n'a pas la même évolution qu'une fracture ouverte. Quelqu'un qui a une fracture ouverte, surtout au niveau d'une articulation, c'est très grave. Ça peut aller jusqu'à l'amputation, jusqu'à beaucoup de complications. Ok ? Donc, d'une façon générale, ce qu'il faut retenir pour votre examen, c'est que les deux sexes, parce que je peux poser des questions, ce que j'ai expliqué, hein. Je ne suis pas obligé de tenir à ce cours. Ok ? Parce qu'il faut assister au cours. C'est un cours magistral, facultatif, mais ça, il faut comprendre. On va passer à autre chose. Sur le plan anatomique, la palette humérale, c'est quoi? Donc, connaissant l'anatomie, on voit le traitement sera facile, bien sûr. Pourquoi? Parce que Ushiriya, c'est comme une pyramide, d'accord, avec une base, et on a deux piliers. La pyramide a l'âge de piliers. Mais on va dire qu'on va voir uniquement sur la face. On a deux piliers, le pilier médial et le pilier latéral. Okay. Ces deux piliers, donc la zone articulaire esrera, c'est comme une bobine, les filles, les feuilletons, c'est comme une bobine. C'est la même chose. La trochlée, elle ressemble à une bobine. Vous avez une joue médiale, une joue latérale. La joue médiale, elle est importante sur le plan volume, si vous voulez, mais sur le plan fonctionnel, la zone externe, elle est très importante parce qu'elle s'articule avec une partie qu'on va voir par la suite, qu'on appelle le capitellum ou la capitulum. C'est la même chose. Donc cette région, vous avez une zone anciennement, parce que je pense que vous avez fait l'anatomie récemment, donc actuellement il y a une nouvelle terminologie en matière d'anatomie. D'accord ? La zone conoïde, la zone conoïde, quand j'étais externe, actuellement on l'appelle zone capitulo-trochléenne, c'est-à-dire entre le capitellum ou la capitulum et entre la trochlée. Cette zone, cette dépression, si vous voulez, à ce niveau, s'articule avec la cupule radiale. Vous avez la tête radiale, le radius, la tête radiale, au fait au son qu'il y a une cupule. Cette cupule, le pourtour de la cupule, c'est très important, c'est un fibrocartilage et c'est un, comme on appelle, c'est une articulation. Elle s'articule avec cette zone conoïde. Il y en a une qui gère un malade. Déroule un scanner systématiquement actuellement dans les fractures articulaires, il faut faire un scanner. Et ce scanner va montrer si cette zone est touchée, ça veut dire que le patient va avoir beaucoup de problèmes. Excusez-moi, je vais répondre à ce qu'on appelle de l'hôpital. Excusez-moi, s'il vous plaît. Sur le plan de cette région articulaire, elle est à l'extérieur. Tout simplement parce que là, si on comprend bien l'anatomie, la classification sera facile. Ce qui est important pour vous, les cours, c'est que vous devrez apprendre pas que la classification. D'accord ? Dans n'importe quel cours, vous allez faire des cours, à chaque fois, on vous propose des classifications. Donc la classification, c'est quoi ? Cette région, cette bobine, si vous voulez, c'est la région articulaire. Du coup, je vous fais la première image. Je vais revenir. Voilà, elle est là. D'accord ? C'est cette zone uniquement qui est articulaire. Elle est petite. Elle s'articule avec quoi ? Non. Avec l'olecran, avec la grande cavité sigmoïde de l'ulna. D'accord ? Vous avez la grande cavité sigmoïde, et c'est pour ça qu'il y a cette dépression que je vais vous montrer. Voilà. Et le capitulum, elle est en postérieur. Le carabé est en postérieur. Tandis que le capitulum, qui s'articule avec la cupule radiale, il est un petit peu en avant par rapport à cette trochlée humérale. Et cette zone, c'est quoi ? Sur le plan anatomique, on va faire un petit peu d'anatomie. Ça, c'est quoi? C'est la zone de faiblesse. Yannick, pratiquement, n'importe quelle fracture de cette région, elle passe au niveau de cette région. Pourquoi? Parce que c'est une zone de faiblesse. Cette image, si vous avez compris, vous avez certainement compris, vous êtes intelligent. Donc, on fait une fracture iatrogène au niveau d'olécrane, vous voyez, il y a l'olécrane qui est là, un nerf, tout simplement parce que chirurgien, comme on est, on se pose la question, indique une fracture à ce niveau. Je vais aller en postérieur, en antérieur, en latéral ou là au médial. En médial, on dit une nerf. En avant, l'artère radiale et l'artère vénérale. C'est-à-dire la bifurcation. En latéral, je peux aller en latéral, mais qu'est-ce que je fais? Qu'il y a à 10 cm de l'articulation, on a le croisement, le changement de position du nerf radial. Ok ? Parce qu'on a une fracture, une fracture qui monte très haut. C'est en latéral, on chauffe avec un latéral, mais je chauffe, je me dis ce qui se passe en interne. Je ne peux pas avoir une belle image. Donc, les gens qui ont inventé les techniques chirurgicales, il vaut mieux aller en postérieur. En postérieur, il y a uniquement le cubital. Le cubital, il est plus en médial. D'accord ? Il est en postérieur. Donc, il doit en postérieur, je le vois. Donc, quand on entend, est-ce que quelqu'un parmi vous a assisté à des interventions chirurgicales chez nous ? Il faut assister. Surtout les gens qui s'intéressent à la chirurgie d'une façon générale. Généralement, les garçons s'intéressent à la chirurgie. Les femmes s'intéressent à la chirurgie. D'accord ? Donc, vous allez assister peut-être avec nous, si on a cette fracture. Bon, avant de faire cette osteotomie, avant de casser l'olécrane, pour aller pour avoir un bonjour sur cette région. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle une neurolyse, c'est-à-dire il faut individualiser le nerf humain. D'accord ? Attends, sur l'acte, ce qu'on appelle sur l'acte, c'est-à-dire il faut bien l'écarter, parce que nous, on travaille avec des vis, avec un matériel qui est quand même solide. Donc, pour ne pas toucher le nerf qui est très proche de cette articulation, il faut l'isoler. Ok ? Donc, l'axe des appareils tuméraires, vous voulez aussi où est l'axe ? L'axe, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez fait des stages ? Oui. Non, aucun stage. Si, on a fait déjà. Non, Chahina. Elle a ce qu'on appelle l'intervention, que ce soit chirurgicale, ou là, on fait un plat. Systématiquement, on demande une radio de contrôle. La radio de contrôle, il y a ce qu'on appelle des indices qu'il faut rechercher. Parmi ces indices, on a l'axe de la palette humérale de cette région distale de l'humérus sur la face et sur le profil. Sur le profil, elle est importante. Pourquoi ? Parce que qui chauffe la palette humérale, elle a oublié les schémas. Non, dans le chauffement. Voilà. Voilà. Lorsque vous voyez ça, c'est un enfant, parce que vous avez le cartilage. Ah, le cartilage, comment vous le voyez ? Est-ce que vous avez un contrôle de stage ? Un cacri. Oui. Ok. Là, il faut poser beaucoup de questions. Là, ce que vous voyez en noir, c'est le cartilage. Chez l'adulte, vous ne voyez pas le cartilage de croissance. Le cartilage, la conjugaison, n'a pas, il est radio transparent, noir, je crois. D'accord ? Chez l'adulte, vous ne voyez pas. Donc, là, la palette humérale, si on trace un axe, là, il est fracturé. Hein, on va prendre comme référence. Si vous tracez un axe de la diaphyse humérale, et vous voyez la palette humérale, la palette qui est là, elle est déjetée, c'est-à-dire elle est en avant de 30 degrés par rapport à l'axe du nerf. Chez l'adulte, chez l'enfant, elle est un peu plus, 35 ou 40. D'accord ? Quand on fait une radio, on opère le malade, et là on fait une radio. Si on ne trouve pas ces 30 degrés, ça veut dire que ce patient va avoir beaucoup de problèmes de la fonction du cou. Ok. Donc je reviens à l'anatomie. Un rappel que je fais. C'est important. Vous avez donc la palette humérale qui est déchetée à 30 degrés par rapport à la palette humérale d'un fermo. Donc ce n'est pas la bobine et la nerf, ce n'est pas l'articulation. La palette, c'est un tout. C'est la région articulaire et extra-articulaire. C'est la partie distale de l'humérus. OK ? Définition, la palette humérale, ou l'extrémité distale de l'humérus, c'est la partie articulaire et extra-articulaire. Articulaire, on a deux. On a la trochée humérale et le capitulum en externe. Extra-articulaire, qu'est-ce qu'on a ? On a l'épicondyle médial et latéral. OK ? Donc, et vous avez au-dessus de l'épicondyle et l'épitrochlée, l'épicondyle médial, vous avez deux colonnes. Une colonne latérale, une colonne médiale. Et c'est pour ça que les gens, en connaissant l'anatomie, ils ont inventé un matériel d'ostéosynthèse qu'on va voir par la suite qu'est-ce qu'il faut faire. La fonction du coude. Le coude, c'est une articulation que les orthopédistes n'aiment pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est une articulation difficile sur le plan chirurgical. Deuxièmement, sur le plan fonctionnel, malgré un bon traitement. Si vous faites maxillaire, conchillaire, il y a toujours des problèmes au niveau de cette articulation. Cette articulation, elle est importante. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'elle est intermédiaire entre deux articulations très très importantes. Le poignet et l'épaule. L'épaule, c'est une articulation très instable. Elle est instable. Ok ? Mais elle est, c'est l'articulation la plus mobile du corps humain. C'est l'instabilité à l'anatomie. Si au certain moment, il vous le croyez, on dit des battements de l'épaule. Les battements d'épaule, c'est beaucoup pratiquement un domaine, parce que vous avez une tête humérale. Vous avez fait l'extrémité, les fractures, l'extrémité. Vous avez, je sors un petit peu, vous avez la tête humérale, d'accord, qui regarde en arrière. Et vous avez la tête fémorale qui regarde en avant. D'accord. Et allez, je sors un petit peu. Là, les orthopédistes, quand on voit quelqu'un comme une mâche, on déduit ce qu'il a sur le plan radiologique. Parce qu'à force de voir, quelqu'un, par exemple, qui marche comme ça, en charlot. Charlot, parfois, charlot. Oui. Viens, rotation externe. Il y a des gens qui marchent en rotation externe. Il y a beaucoup de gens. C'est pas nocif. Mais ce qui est nocif, c'est les gens qui marchent en rotation interne. Il y a des gens qui marchent comme ça. Pourquoi ? C'est dans leur inconscient pour diminuer l'antéversion. L'antéversion du col du fémur, elle est à peu près en moyenne de 8 degrés. D'accord ? Il y en a qui vont opérer, voilà, parce qu'il faut assister à l'intervention. On opère, par exemple, une fracture du col. Le malade est sur table orthopédique, d'accord ? Et on a ce qu'on appelle un amplificateur de brillance. C'est-à-dire un écran de télévision, on voit. Quand on met le moteur, parce qu'on a des moteurs, avec quoi on opère ? Il faut respecter l'antéversion. Si vous mettez votre patient, après, vous chauffez la réduction du col qui fait hajji, ça dépend. Il y a des gens en rotation externe, rotation interne. Si vous faites une rotation interne, vous allez éliminer l'antéversion physiologique. Donc le col, les canakaï, il y a. Lorsque vous opérez, si vous rentrez comme ça directement avec le moteur, vous allez sortir. Si vous allez en antérieur, kif kif, la même chose. Donc c'est pas difficile à comprendre, il faut assister. Donc c'est pour ça l'articulation d'épaule, c'est très fréquent chez les sportifs, les judokas et tout. Ils font généralement plusieurs luxations d'épaule. À partir d'un certain nombre, il faut opérer. On a beaucoup de malades, on opère beaucoup de malades, au moins 3 par semaine. Ok. Donc, vous avez cette articulation qui est intermédiaire quand quelqu'un a une raideur, c'est-à-dire une raideur, des raides ou ankylosées comme ça, il peut manger, il peut se raser. Mais s'il a un coup dans l'extension, ça c'est très difficile, c'est l'équivalent d'une amputation. C'est le droit d'amputer, c'est la même chose. Okay? Donc vous avez cette articulation. Donc ce qui veut dire que le principal mouvement de l'articulation du coude est la flexion-extension. Vous avez un autre mouvement. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut vous le rappeler? Pronation. Hein? Supination. La pronation et la supination. Ils sont également. C'est ça. La pronation-supination. Il te fait achever l'épaule, il te fait achever le poignet. Ok? Surtout le poignet. Et le cours qu'on va faire le dimanche, Inch'Allah, donc on va parler de cette pronosupination, qui est une rotation du radius par rapport à l'ulnaire ou la cubitus. D'accord? Donc, la flexion et l'extension. Cette flexion-extension, l'extension, elle est de combien? L'amplitude articulaire de l'extension, elle est de combien? 180. 180, très bien, ou la zéro? Oui. Et la flexion? 30. Non. 10, 15. Elle est à 140 à peu près, en moyenne. Mais elle peut... Pourquoi la physiologie ne fait m'oublier à la physiologie? Lorsque vous faites quelqu'un qui fait de la musculation, jeune garçon, d'accord, plus on a des biceps, plus la flexion est limitée. Très bien. Bah ça, qu'est-ce qu'on appelle un score? Le score de la Mayo Clinic. D'accord? C'est un score qu'on va évaluer notre traitement. L'évaluation du patient. Le score de la Mayo Clinic ou chez Goulou, qu'il faut avoir un volant de flexion-extension. Enfin, la flexion, elle est importante. L'extension, elle est également importante. La flexion, l'extension, elle est importante. Quelqu'un qui n'a pas une extension complète ne peut pas se lasser les lacets de la chaussure. Il ne peut pas faire sa toilette intime. C'est impossible pour le musulman. Ok? Donc l'extension, elle est importante. Allez, on voulait comme les gens qui ont mis ça, c'est généralement les pays développés. Il voulait qu'il faut avoir un volant de flexion-extension qui est égal ou supérieur à 100 degrés. Si on a un volant de flexion-extension qui est égal ou supérieur à 100 degrés, on peut exécuter tous les mouvements. Il y a des ouchéos. Vous faites, parce que cette pathologie, lorsqu'on opère des patients comme ça, ou là on fait un traitement pathologique, rarement chez l'adulte, mais on peut le faire. On a la flexion et on a l'extension. Le secteur qui est le plus touché, c'est l'extension. Il y a tous les malades un domaine déficit, ce qu'on appelle un déficit d'extension. Mais l'extension complète à 0 degré ou à 180 degrés, pas tellement importante. Où est-ce qu'il marche? Il marche comme un robot, comme ça. Quand il marche, il fléchit son coude. Qu'est-ce que c'est ce volant? Le volant, c'est la flexion. Il faut lisser la flexion moins le déficit d'extension. Il y a quelqu'un qui a 100 degrés de flexion et qui a 30 degrés déficit. Dis ma déficit, c'est de moi. Donc 100 moins 30, 70. Ça veut dire qu'il est médiocre. Ça veut dire que c'est une raideur sévère. À 70 degrés, il y a le droit qui a coulé à les cas. Ou les a coulé côté sain. C'est difficile. C'est très très difficile. Ok? Donc le plus important, c'est le volant de flexion-extension. Il a l'arc de flexion-extension qui est égal à la flexion moins le déficit d'extension. Il y en a quelqu'un qui a 140 degrés et zéro d'extension, il a 140 degrés de volant de flexion-extension. Maintenant, il faut avoir 100. Vous avez mis l'argent de la pronosupination. La pronosupination n'est pas essentiellement touchée dans ce type de fracture, mais elle peut être touchée si on a une association d'une fracture de la tétradia et l'aile capitellum. D'accord ? La pronosupination kiff-kiff. Lorsque je fais la supination, c'est comme ça. La pronation, c'est ça. Lorsque j'examine la malade, donc, je dirais les cas. Ah oui, il va travailler avec les poches, avec le poignet. Donc, il faut que le patient, il faut qu'il ait les coudes contre le thorax, et il fait la supination. Elle est de 90 degrés. Il fait la pronation qui est de 180 degrés et qui fait la pronation qui est de 175-180 degrés. Lorsqu'on fait kiff-kiff, la même chose, la Mayo Clinique, ils ont fait des études, ils disent qu'il faut avoir le volant de pronosupination qui est égal à 100 degrés. Il y a 50 degrés de pronation et 50 degrés de supination. Et là, c'est très important. Ouais, mais d'où la pronosupination, il ne peut pas viser une lampe. La femme, elle ne peut pas fermer sa cocotte ou la cuisine. C'est la même chose. Quelqu'un qui a une pronosupination déficitaire, il ne peut pas ouvrir la porte. C'est très important. Et ces deux mouvements, si vous voulez, ces quatre mouvements sont impliqués l'un par rapport à l'autre. Pourquoi ? Parce que lorsque je prends quelque chose, j'ai besoin de l'extension et de la pronation. Par exemple, quelque chose vers le visage. On a besoin de flexion, de supination. Mais, faut savoir que dans ce type de fracture, c'est beaucoup plus la flexion et l'extension qui est touchée et non pas la pronosupination. Classification, on va la voir. Elle est très facile. Si on a compris l'anatomie, on va bien apprécier cette classification. Dans la clinique, on va voir aussi l'imagerie, le traitement, on en parlait, l'évolution, la classification. La classification, il y a plusieurs classifications. Bon, comme on est un pays francophone, on utilise la classification française, mais comme il y a toujours une domination de la langue anglaise, il faut savoir que dans les congrès internationaux, même en France, on n'utilise pas cette classification. Sinon, l'américain, l'anglais, l'hindou ne va pas comprendre. Donc, on utilise ce qu'on appelle la classification de l'AO, classification internationale, c'est un langage international qui est compris par tout le monde. Mais cette classification a un intérêt pratique. Elle a été, si vous voulez, prise de l'enfant, ils l'ont calqué sur l'enfant, ils ont calqué cette fracture par rapport aux fractures de l'enfant. C'est pas toujours évident. Des fois, on a des. C'est comme la définition qu'il dit bien. Outre la définition n'est pas pour moi importante. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des traits de fracture. Le trait de fracture, la comminution, la complexité de la fracture, elle est conditionnée par la qualité de l'os et la violence du traumatisme. Ok ? Donc, cette classification française, si vous voulez, la SOFCOT, Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, elle divise ces fractures en deux grands chapitres. Les fractures totales et les fractures partielles. Les fractures totales, elles peuvent être articulaires ou extra-articulaires, mais elles touchent les deux piliers, si vous voulez, la région, si elle est articulaire, elle descend au niveau de la trochlée. Si elle est extra-articulaire, elle touche toute la palette vertébrale. Les fractures parcellaires, elles touchent qu'une partie. Elle peut toucher la partie articulaire comme elle peut toucher une partie extra-articulaire. Donc, d'une façon générale, c'est une fracture, c'est une classification très facile à retenir. Vous avez les fractures totales, fractures supracondyliennes, hyaliennes, elles ne touchent pas l'articulation. Sur ce schéma, vous voyez cette fameuse bobine, la trochlée humérale, vous avez cette boule qu'on appelle capitellum ou capitulum, c'est la même chose. Vous avez cette zone capitulo-trochléenne que j'ai expliqué tout à l'heure, sa valeur fonctionnelle qui s'articule avec la pupille radiale. Ça, elle est beaucoup plus en postérieur et ce capitulum est beaucoup plus déjeté en antérieur. Vous avez ce trait de fracture que je vois ici. Il est au-dessus de l'articulation, ce qu'on appelle les fractures supracondyliennes. Elles ne touchent pas l'articulation. Elles ne touchent ni le capitulum, ni la trochlée humérale. Donc le trait s'arrête à ce niveau. Ce sont des fractures, entre guillemets, gentilles, qu'on aime bien, parce que le malade peut récupérer facilement. Le trait de fracture peut être haut, peut être bas, peut être spiroïde. Il peut avoir, c'est en fonction de la qualité de l'os, en fonction de la violence du traumatisme. Par contre, les fractures sus-intercondyliennes, la deuxième partie, si vous voulez, des fractures totales. Sus-intercondylienne, ça veut dire quoi? Il y a un trait sus-condylien qui est là. Bassah, il y a un trait de reforme qui descend à ce niveau, au niveau de l'articulation. Soit il coupe le plus souvent cette trochlée humérale à ce niveau, d'accord, où là, il coupe cette zone conoïde et la fracture est complexe. Vous avez donc les fractures totales, les fractures supracondyliennes qui sont extra-articulaires et vous avez les fractures sus- et intercondyliennes, c'est-à-dire ce sont des fractures articulaires. Cette fracture articulaire, elle peut avoir plusieurs formes anatomiques. Elle peut être simple, yani ou chirurgique. Vous avez le trait supracondylien et vous avez la séparation au niveau de la trochlée humérale. Ben ça, on peut avoir un trait de fracture qui est simple à ce niveau, yani, mais très simple, la jambe ou la n'importe quoi. Il sépare deux fragments. Vous avez un fragment proximal, un fragment distal. Il y a un fragment interne, un fragment externe. Si vous avez plus de deux fragments, ce n'est plus une fracture simple, mais c'est une complexe. Donc vous avez, c'est une comminution, c'est une fracture complexe au-dessus de l'articulation. Comme vous voyez, un fragment, deux fragments et trois fragments. Et vous avez un seul trait à ce niveau. Yanni, le pronostic de cette fracture est meilleur que celle-ci. Que celui-ci, pardon. Bessah, l'ana, le pronostic est très mauvais. Pourquoi? Vous avez une fracture complexe au niveau articulaire et au niveau extra-articulaire. Qui dit fracture complexe au niveau articulaire, vous avez plusieurs fragments. Une destruction de l'articulation, ce qui va entraîner une arthrose. Très bien. Vous avez écouté l'arthrose. C'est vous? L'arthrose post-traumatique. Ok? L'arthrose post-traumatique, on peut avoir plusieurs complications. Il y a même des gens qui mettent des prothèses, du coup, à ce moment-là. D'accord? Qui met la prothèse de hanche ou la prothèse du genou, on met une prothèse au niveau. À ce niveau. Donc, je répète, fracture totale, elles peuvent être extra-articulaires, donc ce sont des fractures qu'on appelle supracondyliennes, des fractures articulaires, ou la sus-intercondylienne, il y a un trait supracondylien, il y a un autre trait au niveau de l'articulation. Pour les fractures partielles, Gunnar, ce sont des fractures qui peuvent toucher soit l'articulation, une partie de l'articulation, ou là qui peuvent être extra-articulaires. Dans ces fractures partielles, on peut avoir des fractures sur le plan frontal ou là sur le plan sagittal. Sur le plan frontal, sur quelle incidence on le voit? Sur le plan frontal. Vous le voyez même jamais sur le profil. D'accord? Sur le plan frontal, vous avez deux fragments. Un fragment antérieur et un autre. Donc c'est le profil. Et sur la face, vous voyez les fractures sagittales. Sagittales, elles peuvent être articulaires ou extra-articulaires. Donc vous avez un fragment interne et un fragment externe. OK? Donc pour les fractures sagittales, elles peuvent être extra-articulaires. Elles touchent l'épicondyle ou l'épitranquée. La même chose. D'accord? Elles peuvent être articulaires, elles touchent soit le condyle latéral, soit le condyle médian. Ok? Comme vous voyez là, c'est une fracture parcellaire, parce que l'air, sauf le pilier l'air dans l'air, on a un pilier latéral, on a un pilier médial, on a la trochlée, et on a ce type de le trait de fracture qui est là avec un déplacement du condyle. Elle a un déplacement tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'insertions condyleuses à ce niveau. Donc quand on a la fracture, elle tendant, et je vais le fragment fracture. OK? Par contre, là, vous avez un trait de fracture qui touche uniquement le capitulum. Vous l'avez mes benches parce qu'il est antérieur, c'est une bulle postérieure. Vous voyez, la trochlée est indemne, mais par contre, la zone coronique, elle est touchée par ce type de fracture. On peut avoir un arrachement, ce qu'on appelle une fracture extra-articulaire sagittale, fracture de l'épitrochlée ou de l'épicondyle médial, ou bien fracture de l'épicondyle ou l'épicondyle latéral. Un autre type, c'est toujours dans les fractures parcellaires, à trait frontal, dans ce cas, une chauffe-eau sur le profil. Là, c'est un schéma. Vous avez posé des questions. Ça, c'est un schéma. OK, c'est pas la réalité. Donc, pour le confirmer, c'est surtout le profil, vous avez un fragment, comme vous avez là, un fragment. Donc, ça, c'est antérieur, et ça, c'est postérieur. Donc, on peut avoir une fracture du capitellum. Capitellum, il est là. Il est fracturé à ce niveau, comme vous voyez, avec un déplacement. Vous avez la pupille radiale. Vous avez la tête radiale. On peut avoir une fracture du capitellum, comme vous voyez. Une fracture de Hinsintal. C'est un nom propre à un chirurgien allemand qui a donné son nom à ce type de fracture. C'est lui qui a individualiser cette fracture, c'est quoi? C'est que ce type de fracture, il touche et le capitellum et une zone externe de la trochlée humérale. Et vous avez la fracture diacondylienne de Kocher. Kocher également, c'est un chirurgien allemand qui a donné son nom à ce type de fracture, qui toute l'articulation est touchée. Pour nous lire l'anatomie de Gounabé, la palette humérale est déjetée. En avant. Donc lorsque je fais une chute, il y a la réaction du corps et la réaction du sol. Je fais une chute, le traumatisme va monter à travers le radius, la tête radiale va percuter. Maintenant, à ce niveau, elle va entraîner une fracture articulaire puisque le capitellum rouvoie, plus il est antérieur que la trochlée. Donc il va se fracturer moule. Plus le traumatisme est long, par exemple, je suis de sa hauteur, je suis de 2 mètres ou 3 mètres. Okay? Plus le traumatisme est long, plus la fracture est complexe. Donc je récapitule. La classification de la sauve-corps se divise en deux grands chapitres. Les fractures totales, Une fracture passée, une fracture totale, peut-être extra-articulaire qu'on appelle fracture supracondylaire, et des fractures articulaires qu'on appelle suspendocondylaires. Dans des fractures passerelles, elles peuvent être articulaires ou extra-articulaires, elles peuvent être sagittales ou la frontale. Frontale, vous avez la fracture du capitulum incentral, vous avez la fracture diacondylienne, toute l'articulation est coupée, et vous avez les fractures sagittales, extra-articulaires, épicondyles, épicroclées, ou l'articulaire, condyle interne, condyle externe. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions, posez-les. Sinon, on passe au diagnostic. Diagnostic, c'est très simple. C'est très très simple en dermatologie. Vous avez deux situations. Soit un polyfracturé, l'ergonomie polyfracturée, parce que on n'a pas la même épidémiologie, c'est impossible. Il y a des gens, moi je ne suis pas allé en France, je n'ai pas côtoyé les hôpitaux français, mais mes collègues qui sont partis, ben, ils chauffent pour les fracturer, ils vont appeler tous les médecins de la région. Sauf qu'ils ont beaucoup d'accidents de moto. Jiboulomouak de moto, c'est vraiment grave. Ça n'a pas de jazer. Quel choix il y a une demi-seule fracture? C'est 3, 4, 5 fractures. Ah oui, c'est ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on a une fracture du coude, si c'est intercondylienne, là, qui giboule comme un polyfracturé, vous allez passer peut-être à côté. Parce qu'il y a la déformation du fémur, il y a la déformation de la hanche, il y a la fracture du rachis. Donc on est orienté vers la gravité, si vous voulez. Hein? Donc vous avez deux tableaux. Soit vous recevez un patient suite à un accident violent, qui j'ai dit, ouais, il veut plus tard, l'échafaudage, il se marche bien, le minéil, ok? Ou il a, à une hauteur élevée, ça veut dire que c'est grave, même s'il n'a rien du tout. Ça veut dire que c'est une façon plus grave. La gravité peut être surtout vitale. Parce que j'ai dit quoi, d'accord, il fait une chute banale, ça ne peut pas être grave, ça peut être grave sur le plan médical. Pourquoi il a fait une chute? S'il est vieux, la lèche. S'il est jeune, peut-être c'est un déséquilibre dans le diabète, ou de l'hypertension, ou là, autre chose. Donc, systématiquement, lorsqu'on est polytraumatisé, il a un polyfracture, quelle est la différence? Quelle est la différence? Chez vous, un polyfracturé ou chez vous, un polytraumatisé? Oui, fracturé, c'est quelqu'un. S'il vous plaît, c'est important pour la formation. Un polyfracturé, c'est quelqu'un qui a minimum deux fractures sur deux membres différents. Deux membres différents. Il y a une fracture du radius, fracture du virus. C'est une fracture étagée, ce n'est pas polyfracture. Parce que quelqu'un qui a un numérus même, deux os d'avant-bras, ça veut dire. Polyfracture. Polyfracture. Tandis qu'un polytraumatisé, en plus de ça, il a une lésion vitale. C'est-à-dire, traumatisme du thorax ou le trauma crânien. Contusion. Ça, le différent. Donc, si vous avez quelqu'un qui n'est pas polyfracturé, qui a fait une chute, il a fait balle au tard, jabot, il a une fraction du coude. Généralement, il vient en marchant. S'il vous plaît. Il soutient le membre touché par le membre sain. Quelqu'un qui fait ça, soit l'épaule, soit le cou, en tout cas, il a fait le membre supérieur. Ok? Le plus important, c'est l'articulation. L'articulation superficielle. Donc, ce que je dois chercher, c'est la lésion cutanée, l'ouverture cutanée. S'agit-il d'une fracture ouverte ou la ferme? Après cela, je fais un examen général. L'inspection, la palpation et la mobilisation, si je peux faire. Parce que mobiliser un membre qui est fracturé, ce n'est pas évident. Au moins, j'inspecte. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'équimose. Ok? Je parle, qu'est-ce que je parle? Je fais un examen neurovasculaire. C'est important, on a dit que c'est une région qui est riche en éléments nerveux. Donc je cherche le pouls radial, je cherche le pouls capillaire, la sensibilité dans les trois territoires, les cinq doigts. Le nerf ulnaire, le nerf médian et le nerf radial. Ok, si on n'a rien, on doit mentionner sur l'observation si on a une lésion, et le plus souvent on a une lésion vasculaire ou une lésion neurologique, on doit l'écrire, on doit faire des investigations en fonction de cela. Si par contre vous n'avez rien du tout, vous allez demander ce qu'on appelle un bilan radio de face et de profil, minimum. Donc, il a un traumatisme au niveau du coude, ça fait très mal. Pourquoi cette, vous voyez cette radio? Oui. Ce n'est ni face, ni profil. Pourquoi? Parce que ça fait très très mal. D'accord. Actuellement, dans les pays développés, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mal, ils ont beaucoup d'hôpitaux. Donc, ouais, disculpez la région, région tellement penseur, mais le CHU, Godana, il a tout ce qu'il faut, tous les médecins qu'il faut. Par contre, là, c'est tout le monde qui va vers le grand centre et on est submergé par les malades et les malades ne sont pas pris en charge, si vous voulez, en guillemets, correctement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle les clichés réalisés sous anesthésie générale. D'accord? Alors, quel est l'intérêt? Vous voulez regarder une radio sous anesthésie générale. C'est important parce que c'est pour classer notre lésion, notre fracture. Elle a un mot de classification. La classification, elle a un intérêt pratique. La prise en charge. OK. Donc, je fais des radiographies sous anesthésie générale. Je classe ma fracture. C'est en fonction de la classification que je peux proposer un traitement à mon patient. L'évolution, lorsque tout se passe bien, généralement, c'est une fracture qui n'est pas ouverte. C'est une fracture fermée ou la même fracture ouverte type 1 qui a été prise en charge à temps. On a fait un bon traitement, on a fait un bon résultat, une bonne contention, on a envoyé notre patient à la rééducation. Généralement, c'est une région métaphysaire, le chien métaphysaire. Vous avez la région métaphysaire, la région épiphysaire, la région diaphysaire. Plus la lésion est diaphysaire, la consolidation est longue, tôt. La région métaphysaire, elle est riche en os spongieux, elle consolide rapidement. Ok? Elle consolide rapidement. Donc si on n'a pas de problème, le patient peut consolider en 60 jours maximum, en 2 mois. Mais, il existe une redoutable. Il consolide là, mais il y a une infection. Il y a une infection. Il y a la pseudarthrose. La pseudarthrose, c'est la non-consolidation de la fracture, mais il peut évoluer vers la raideur du cou. Je vous ai dit tout à l'heure, même si on opère dans les meilleures conditions, on fait le meilleur traitement, c'est une articulation qui est un peu difficile par ses complications. C'est la raideur. La raideur, c'est la limitation. Définition de la raideur, c'est la limitation des amplitudes articulaires. Tandis que l'ankylose, c'est la perte totale des amplitudes articulaires. Les formes cliniques, on a dit que les formes ouvertes, elles sont fréquentes, donc d'où les complications constatées, elles doivent être classées selon la classification de Cauchois du Bac. Est-ce que vous avez fait la fracture ouverte de jambe? Non, vous allez la faire. Donc, dès la classification de Cauchois et du Bac, c'est facile aussi. Là, le type 1, il y a trois types. Le type 1, c'est une fracture ouverte punctiforme. Le type 3, c'est une perte de substance. Le type 2, c'est l'intermédiaire entre les deux. Vous allez la faire, ce n'est pas la peine d'écrire. D'accord. Ok. Oui. Vous allez la détailler la fracture de la jambe. Chez l'enfant, j'ai détaillé, vous voyez cet enfant qui, en chutant, il a été doux. Ok. Et elles sont fréquentes. Je me retrouve chez l'enfant, il y a 4-5 hospitalisations par jour. Hein. Elles sont fréquentes, elles touchent surtout en moyenne d'enfants âgés de 8 ans. Les formes en extension sont les plus fréquentes. Le chirurgien en extension. Il y a dit, lorsque je fais une chute, comme cet enfant a chuté, le coude est en extension. Ça veut dire que la palette humaine, elle passe en avant. Le contraire, c'est chez moi. Elle passe en avant, et plutôt, excusez-moi, en extension, la palette humérale qui est là, elle passe en arrière. Vous voyez la flèche. Et le reste de la diaphyse humérale, elle passe en avant. Et comme c'est un schéma, c'est pas souvent ce que vous voyez. Hein. Ce que vous voyez quoi? Là, quelque chose de très vulnérable, contendant à ce niveau, qui touche avec le déplacement, qui peut toucher surtout l'artère brachiale, comme vous voulez. Si la touche, soit elle est spasmée, soit elle est partiellement touchée, soit elle est complètement sectionnée, rompue. Ok, c'est très très fréquent. Très fréquent. D'accord? D'où l'urgence chez l'enfant. Généralement, c'est des enfants qui arrivent un peu tard. L'enfant fait une chute, il y a un peu tard, il goûte à tes jibabins, il goûte l'eau, il bat de l'eau, et ouais, vous avez fait le workman. C'est un drôle de workman. Non, pas encore, non. C'est le workman. Ok? C'est le workman. C'est très difficile parce que vous avez un enfant qui se fracture au niveau du coude, c'est une extrême urgence. Et là, c'est bon, tout à ça. Ok? Donc, lorsque je vois un patient, il chauffe les l'épiphyse, il y a une extrémité distale, elle est en arrière. La métaphyse, la diaphyse, elle est en avant. Elle est belle et belle, c'est une. En extension. C'est une urgence, beaucoup d'urgence. Le mécanisme est important. Est-ce que vous avez fait les fractures du poignet? Non, pas encore. On fait généralement une chute poignet en extension. L'épiphyse se déplace en porcérine. Et la métaphyse en antenne. C'est la même chose là. Mais par contre, si je vois la radio, je suis malade, hein, une chose de l'épiphyse. Elle est là, en avant, et la diaphyse en arrière, c'est contraire, c'est une chute sur un coude fléché. Elle est estimée à peu près jusqu'à 20%, mais ce n'est pas toujours vrai. La plus fréquente, c'est la fracture chez l'enfant, en extension. En extension, les vaisseaux et les nerfs sont menacés. Et en flexion, c'est le nerf ulnaire, ce qui est postérieur. C'est lui qui est menacé et c'est l'ouverture cutanée. Donc, cette diaphyse que vous voyez là, en antérieur, elle touche les vaisseaux et les nerfs. En postérieur, si l'enfant chute sur le coude fléchi, elle touche le nerf, la peau, le muscle. Il touche le nerf ulnaire. Ok? Le traitement, il est essentiellement orthopédique chez l'enfant. Vous les retrouvez semi-orthopédique, en tout cas avec les gens qui vont faire stage avec moi. Je vais leur montrer comment on fait le traitement semi-orthopédique. Semi-orthopédique chez vous, c'est le brochage. Un foyer fermé. Bien le foyer. Brochage. Les broches. D'accord ? C'est un traitement qui n'est pas chirurgical. Un traitement chirurgical est une mousse. Ok ? Ou le bisouri, on bouge. Ça, c'est un traitement chirurgical. Traitement orthopédique, c'est un plâtre. Traitement semi-chirurgical, c'est le brochage. Ça veut dire louche l'articulation. On va manipuler avec nos mains. Je fais les déplacements. Si l'épiphyse, les déplacements postérieurs. Donc je dois tirer, chauffe sur la face, il y a un chevauchement. Donc pour désengrainer, je dois tirer dans l'axe. Si l'épiphyse est déplacée en postérieur, je dois fléchir mon coude. Je fléchis, je pousse, parce qu'elle est postérieure, je pousse avec mes deux pouces cette épiphyse pour qu'elle. Qu'elle va en entrer. Une fois un des amplificateurs de brillance, je vois que ma réduction est bonne. Soit plâtre, c'est le plâtre, il va se déplacer. Fonte le dème, le chèque, le syndrome de Volkmann, je préfère le brochage à travers le foyer de fracture. Voilà, ça c'est une classification. Parce que pour moi, il ne faut pas la retenir. Oui, si quelqu'un veut faire un effort, il la retient. Mais ça, c'est une forme clinique. Moi, je l'ai fait comme forme clinique, pas forme comme pour. Voilà, vous avez le type 4. Allez, le côté comme vous voulez. Vous avez. Vous voyez cette radio? Vous voyez la main, l'épiphyse? Il est là. Oui. Il passe en arrière. Oui. Il est de profil, une chauffeur de profil. Bassah, là, il chauffe la diaphyse. De profil. Bassah, là, il ne voit ni face ni profil. Ça ne dit rien. Rotation. La rotation n'est pas tolérable. L'orthopédie, le coup, sort. La rotation. La rotation. C'est des problèmes par la suite. Vous voyez là, un coude, je trouve qu'il fait un coude là, un coude globuleux, très édémacié. Et vous voyez là, cette partie tranchante, si vous voulez, elle peut même ouvrir la peau à l'intérieur. On a vu, c'est des gens qui viennent, chauffent l'os, c'est très grave. Ça, si vous avez l'os qui a coupé la peau, ça veut dire qu'il a coupé les nerfs, les vaisseaux et tout. C'est la fameuse fracture en flexion. Vous voyez que la métaphyse du chevelu en antérieur, elle passe en arrière, elle est là. Et l'épiphyse passe en avant. Donc les nerfs ou les vaisseaux ne sont pas menacés, mais par contre, ce qui est menacé, ce qui est postérieur, c'est la peau, les muscles, et on peut avoir les nerfs une heure. Monsieur, on peut les couper. Est-ce qu'on peut les réparer? Oui, mais préparez, oui, microscope. Parce qu'on a un nerf qui est coupé. Il vaut mieux avoir une artère qui est coupée qu'un nerf. L'artère, le résultat, il est instantané. C'est un nerf, c'est très difficile. Très difficile pour qu'il y ait un nerf. Ok ? Les vaisseaux. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Parce que le résultat, il est instantané. Vous avez une ischémie d'un membre, vous faites une réparation, vous voyez le résultat sur place. On continue notre cours, mais pas terminé. Donc, le principe du traitement, c'est que, s'il vous plaît, on est tous fatigués. Le but, quel est le but? C'est rétablir. Ou la fracture articulaire, il faut rétablir l'anatomie exacte d'ostéosynthèse solide pour proposer une rééducation précoce. Les moyens d'ostéosynthèse, on a parlé tout à l'heure d'anatomie, vous voyez comme. Si bon. Vous avez deux piliers. Les gens qui ont inventé ces moyens d'osteosynthèse, il y a des gens qui ont dit depuis, il faut que je fixe les deux piliers. Il faut une osteosynthèse stable. Donc, pour avoir une osteosynthèse stable, il faut qu'une plaque tienne les deux piliers. Dans les fractures complètes, bien sûr. Dans les fractures incomplètes, vous avez d'autres piliers qui sont sains. Donc, qui souche, ok. Mais lorsque j'ai une fracture qui touche les deux piliers, systématiquement, il faut stabiliser les deux piliers. Chez l'adulte, bien sûr, comme chirurgical. Chez l'enfant, vous voyez, on fait un plâtre et on fait le brochage. Vous voyez le brochage, il y a différents types de brochage. Ah, il y a les Français, il y a les Américains, il y a des équipes qui, moi personnellement, je ne fais jamais. Ce type de brochage, elle est parce que vous avez un foyer fermé, vous prenez chez le foyer. Donc vous réduisez, s'il vous plaît, Mohamed, si vous n'avez pas à nous expliquer ce que vous dites, vous serez payé. Parce que vous nous dérangez. Sincèrement, quelqu'un qui parle, un autre qui parle avec lui, c'est de l'indécence. Je me dis, il peut sortir. C'est un cours magistral. Donc, ce type, j'ouvre pas, je manipule avec mes mains. J'ai un amplificateur de brillance. Lorsque je rentre par là, au niveau de l'épicondyle, latéral, il n'y a aucun problème. Mais à ce niveau, j'ai le nerf, une nerf, je ne le vois pas au tête de la peau. Je peux le toucher. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait cette technique. Elle est décrite, il y a même des collègues avec moi qui la font. Moi, personnellement, je ne la fais pas. Je fais autre technique. Par exemple, la technique de Judé. C'est une technique française qui stabilise à travers le pilier latéral, comme vous voyez là. Mais si je ne fais pas attention, la broche est mardéale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tranchant. Si je passe à ce niveau, mais l'externe, l'interne. Je peux toucher le nerf également. Okay. Parce qu'il passe, il colle à ce niveau, au niveau de la palette ouverte. Par contre, chez l'adulte, vous voyez, les deux piliers, je fais une plaque médiane, une plaque latérale, je fais un vissage au niveau de la trochée si j'ai une fracture qui est simple. J'ai un trait qui est gentil. Par contre, si j'ai un trait qui est difficile, complexe, je dois réduire anatomiquement. Et je dois faire une osteosynthèse stable. Donc, en conclusion, on va dire que ce sont des lésions fréquentes chez l'enfant, pas chez l'adulte comparativement, chez l'enfant. Ouverture cutanée qui peut atteindre jusqu'à 32%. Mais c'est un examen clinique, minutieux, radiographique, complet. Et le scanner, je ne l'ai pas mentionné, la TDM actuellement est très indispensable dans les fractures articulaires. La TDM, elle est importante. On fait directement la TDM ? Non, jamais. Jamais. Jamais, c'est une faute. Non, si vous faites la consultation, j'ai une année malade dans n'importe quelle pathologie. J'ai vu qu'il y a un de une radiographie standard. C'est aberrant. Ce n'est pas normal. Il faut avoir les radiographies standards, les radiographies sous anesthésie génération, on peut les faire, avec un peu de volonté, on peut les faire. Et il faut faire une TDA lorsqu'on a une fracture articulaire, parce qu'elle peut nous faciliter. Il faut aller en antérieur, en postérieur, en latéral, ou la voie d'avant. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions s'il vous plaît. Ben message, la semaine prochaine, est-ce que vous avez un délégué? Oui. Je connais. Ah, monsieur le délégué, tu as oublié de dire. Monsieur le délégué, la semaine prochaine, Inch'Allah, vous aurez les deux cours écrits. Donc, vous avez écrit, mais je fais comme vous avez pris note, mais la semaine prochaine, je vais vous donner un polycope. Je vais le poser au niveau de la production. Tirage, vous pouvez l'avoir.